Les pourparlers des autorités militaires nord-sud proposés lors de l'historique 7e congrès du Parti du Travail de Corée comme mesure la plus réaliste en vue d'atténuer la tension militaire et assurer la paix dans la péninsule coréenne jouissent actuellement du soutien et de l'approbation unanime, non seulement de tous les Coréens du Nord, du Sud et de la diaspora, mais encore des peuples du monde attachés à la paix par leur urgence, justesse et actualité. Notre parti a la noble volonté de résoudre par voie de dialogue et de négociation tous les problèmes posés, y compris des mesures réelles, destinées à prévenir la tension et le risque de conflit militaire depuis la ligne de démarcation militaire et de la région de Poncho de la mer de l'Ouest. Tout à fait invariables sont la volonté et la décision de notre armée, fidèle à sa noble volonté et déterminée à déjouer audacieusement les défis des sécessionnistes du dedans et du dehors du pays et à implanter dans la péninsule coréenne une paix et une sécurité durables. Le ministère des Forces armées populaires de la République populaire démocratique de Corée a envoyé le 21 courant aux autorités militaires du côté sud une notification qui dit comme suit. Aujourd'hui, l'atténuation de la tension militaire et prévenir l'éclatement de la seconde guerre de Corée dans la péninsule coréenne s'oppose comme une question urgente directement liée au sort de notre nation. Nous croyons qu'il est nécessaire aux autorités militaires du Nord et du Sud de se mettre autour d'une même table pour délibérer à cœur ouvert des problèmes en suspens relatifs au conflit militaire éventuel, convenir et appliquer des mesures urgentes institutionnelles et juridiques en faveur des mesures efficaces pour la confiance militaire. Nous proposons de prendre à la date et à l'endroit convenable de la fin de mai ou du début de juin un contact de travail destiné au pourparler des autorités militaires nord-sud en vue d'atténuer la tension militaire et de créer un climat de confiance militaire bilatérale dans la péninsule coréenne. Tous les Coréens du Nord, du Sud et de la diaspora observeront de près si les autorités sud-coréennes désirent vraiment la paix de la péninsule coréenne et la sécurité de la nation.